Eh bien, vous êtes encore là ? S'écria le hideux Marneffe en robe de chambre. Que faites-vous ? Il me demande pardon, mon ami, d'une proposition insultante qu'il vient de m'adresser. Ne pouvant rien obtenir de moi, monsieur inventait de m'acheter. Crevel aurait voulu descendre dans la cave par une trappe, comme cela se fait au théâtre. Relevez-vous, mon cher Crevel, dit en souriant Marneffe. Vous êtes ridicule. Je vois à l'air de Valérie qu'il n'y a pas de danger pour moi. Va te coucher et dors tranquille, dit madame Marneffe. Est-elle spirituelle ? Pensait Crevel. Elle est adorable. Elle me sauve. Quand Marneffe fut rentré chez lui, le maire prit les mains de Valérie et les lui baisa en y laissant la trace de quelques larmes. « Tout en ton nom » dit-il. « Voilà aimé, lui répondit-elle bas à l'oreille. « Eh bien, amour pour amour, Hulot est en bas, dans la rue. Ce pauvre vieux attend, pour venir ici, que je place une bougie à l'une des fenêtres de ma chambre à coucher. Je vous permets de lui dire que vous êtes le seul aimé. Jamais il ne voudra vous croire. Emmenez-le rue du Dauphin, donnez-lui des preuves, accablez-le, je vous le permets, je vous l'ordonne. Ce phoque m'ennuie, il m'excède. Tenez bien votre homme rue du Dauphin pendant toute la nuit, assassinez-le à petit feu, vengez-vous de l'enlèvement de Joséphin. Hulot en mourra peut-être, mais nous sauverons sa femme et ses enfants d'une ruine effroyable. Madame Hulot travaille pour vivre. Oh, la pauvre dame ! Ma foi, c'est atroce ! S'écria Crevel, chez qui les bons sentiments naturels revinrent. Si tu m'aimes, Célestin, dit-elle tout bas à l'oreille de Crevel qu'elle effleura de ses lèvres, retiens-le, ou je suis perdue. Marneffe a des soupçons, Hector a la clé de la porte cochère et compte revenir.